Nous répétons depuis quelques jours une nouvelle pantomime, Bragg et moi. Il y aura une forêt, une grotte, un vieux troglodyte, une jeune hamadryade, un faune dans la force de l'âge. Le faune, c'est Bragg. La nymphe forestière, c'est moi. Quant au vieux troglodyte, il n'en est pas encore question. Son rôle est épisodique et, pour le jouer, dit Bragg, j'ai un petit salopin de 18 ans dans mes élèves qui fera tout à fait préhistorique. On veut bien nous prêter la scène des folies le matin, de 10 à 11 heures, pour les répétitions. Débarrassée de ses toiles de fond, la profonde scène nous montre tout son plateau nu. Qu'il y fait triste, qu'il y fait gris lorsque j'arrive, sans corset, un chandail en guise de blouse, éculotté de satin noir sous la jupe courte. J'envie Bragg d'être à toute heure si pareil à lui-même, éveillé, noirot, autoritaire. Je lutte mollement contre le froid, l'engourdissement, l'écœurement de cette atmosphère mal purgée des relents de la nuit qui sent encore l'humanité et le punch aigre. Le chaudron des répétitions épelle la musique neuve. Mes mains s'agrippent l'une à l'autre et tardent à se quitter. Mon geste est court, près du corps. Mes épaules remontent frileusement. Je me sens médiocre, gauche, perdu. Bragg, accoutumé à mon inertie matinale, a pénétré aussi le secret de la guérir. Il me harcèle sans relâche, court autour de moi comme un ratier, prodigue des brefs encouragements, des exclamations claquantes qui me cinglent. De la salle monte une fumée de poussière. C'est l'heure où les garçons poussent dehors avec la boue séchée sur les tapis, le petit fumier de la soirée précédente, papier, noyaux de cerise, mégots, crottes de souliers. Au troisième plan, car on nous prête seulement une tranche de scène, une passerelle large de 2 mètres environ, une troupe d'acrobates travaille sur son épais tapis. Ce sont de beaux Allemands roses, aux poils blonds, silencieux et âpres à la besogne. Ils ont de sordides maillots de travail, et dans les intervalles de leurs numéros, leur repos, leur jeu, sont encore exercice. Deux d'entre eux cherchent, avec des rires endormis, un miracle d'équilibre irréalisable, qu'ils réussiront peut-être le mois prochain. À la fin de la séance, ils se tiennent, très graves, autour de la périlleuse éducation du plus jeune de la troupe, un bambin à figure de fillette, sous de longues boucles blondes, qu'on lance en l'air, qu'on reçoit sur un pied, sur une main, un aérien petit être qui semble voler, ses boucles tendues horizontalement derrière lui, ou dressées toutes droites comme une flamme, au-dessus de sa tête, tandis qu'il retombe, les pieds joints et pointus, les bras collés au corps. « Oh, tant !» crie Bragg. « Tu l'as encore raté, ton mouvement. En voilà une répétition à la Marmoiljon. Tu ne peux donc pas être à ce que tu fais ?»« C'est difficile, je l'avoue. » Au-dessus de nous voltigent maintenant, sur 3 trapèzes, des gymnastes qui échangent des appels aigus, des cris d'hirondelles. L'éclair nickelé des trapèzes de métal, le grincement sur les barres polies, des mains colophanées, toute cette dépense autour de moi, de force élégante et souple, ce mépris méthodique du danger m'exalte, m'échauffe, à la fin, d'une contagieuse émulation. Et c'est alors qu'on nous déloge, quand je commençais à sentir sur moi, comme une parure soudain revêtue, la beauté de mon geste achevé, la justesse d'une expression d'épouvante ou de désir. Galvanisé, trop tard, j'use le reste de mon ardeur en rentrant à pied avec Fossette, en qui les répétitions accumulent une rage muette qu'elle assouvit dehors sur des chiens plus grands qu'elle. Elle les terrorise en mime géniale, par une seule convulsion de son masque de dragon japonais, par une grimace abominable qui pousse ses yeux hors de la tête, retrousse les babines et montre, sous leur sanguine doublure, quelques dents blanches plantées de guingois comme les lattes d'une palissade bousculées par le vent. Grandi dans le métier, Fossette connaît le music-hall mieux que moi-même, trotte dans les sous-sols obscurs, boule le long des couloirs, se guide à l'odeur familière d'eau savonneuse, de poudre de riz et d'ammoniac. Son corps bringé connaît l'étreinte des bras enduits de blanc de perles. Elle daigne manger le sucre que les figurants raflent dans les soucoupes, au café d'en bas. Capricieuse, elle exige parfois que je l'emmène le soir, et d'autres jours me regarde partir, rouler en turban dans sa corbeille, avec le mépris d'une rentière qui prend, elle, tout le temps de digérer. « C'est samedi, Fossette, courons, Amon sera arrivé avant nous. » Nous avons couru comme deux folles au lieu de prendre un fiacre. C'est que l'air, ce matin, porte une si surprenante et si molle douceur d'avant-printemps. Et nous rejoignons Amon, juste comme il atteint ma case blanche, couleur de beurre sculpté. Mais Amon n'est pas seul. Il cause sur le trottoir avec Dufferin Choutel, cadet, prénommé Maxime, et dit le grand serin. « Comment, c'est encore vous ?» Sans lui laisser le temps de protester, j'interroge sévèrement Amon. « Vous connaissez Monsieur Dufferin Choutel ?»« Mais oui, » dit Amon, paisible. « Vous aussi, je vois. »« Mais moi, je l'ai connu tout petit. J'ai encore dans un tiroir la photographie d'un gosse à brassard blanc. Souvenir de la première communion de Maxime Dufferin Choutel, 15 mai 1800. « C'est vrai, » s'écrie le grand serin. « C'est maman qui vous l'avait envoyé, parce qu'elle me trouvait si beau. » Je ne ris pas avec eux. Je ne suis pas contente qu'ils se connaissent. Et je me sens humiliée par la grande lumière de midi avec mes cheveux défrisés sous le bonnet de fourrure, le nez luisant qui demande la poudre, la bouche sèche de soif et de faim. Je cache sous ma jupe mes bottines de répétition, des bottines lacées, avachies, dont le chevreau écorché montre le bleu, mais qui colle bien à la cheville et dont la semelle amincie est aussi souple que celle d'un chausson de danse. D'autant que le grand serin m'épluche comme s'il ne m'avait jamais vue. Je refoule une soudaine et puérile envie de pleurer pour lui demander, comme si j'allais le mordre, « Qu'est-ce qu'il y a? J'ai du noir sur le nez ?» Il ne se presse pas pour répondre. « Non, mais c'est bizarre. Quand on ne vous a vu que le soir... « On ne croirait jamais que vous avez les yeux gris. Ils paraissent bruns à la Seine. »« Oui, je sais, on me l'a déjà dit. Vous savez, Amon, l'omelette sera froide. Adieu, monsieur. » Moi non plus, d'ailleurs, je ne l'avais jamais si bien vu, au grand jour. Ses yeux enfoncés ne sont pas noirs, comme je le croyais, mais d'un marron un peu fauve, comme les prunelles des chiens de berger. Ils n'en finissent plus de se serrer les mains. Et Fossette, la petite grue, qui dit « Bonjour, monsieur », avec un sourire de graisse fendue jusqu'aux oreilles. Et le grand serin qui fait, parce que j'ai parlé d'omelette, une figure de pauvre devant le rôti, s'il attend que je l'invite. J'en veux injustement à Amon, et c'est en silence que j'expédie mon nettoyage superficiel de mains et de museau avant de rejoindre mon vieil ami dans le petit salon de travail où Blandine dresse le couvert. Car j'ai supprimé, une fois pour toutes, cette pièce triste et inutile qu'on nomme salle à manger et qu'on habite 1 heure sur 24. Il faut dire que Blandine couche dans l'appartement et qu'une pièce de plus me coûtait trop cher. « Ah ah, vous connaissez Maxime !» s'écrie Amon en dépliant sa serviette. Je l'attendais. « Moi, je ne le connais pas du tout. J'ai fait un cachet en ville, chez son frère, où je l'ai rencontré, voilà. » Pourquoi ? De mentionner la première entrevue, l'intrusion du grand serin échauffé dans ma loge. Il vous connaît, lui, et il vous admire beaucoup. Je le crois même amoureux de vous. Subtil Amon. Je le regarde avec ce sentiment félin, hilar et sournois que nous inspire la naïveté masculine. Il sait que vous aimez les roses, les bonbons à la pistache. Il a commandé un collier pour Fossette. Je bondis. Il a commandé un collier pour Fossette ? Après tout, ça ne me regarde pas, dis-je en riant. Fossette est une créature sans moralité, elle acceptera, je l'en sais capable. Nous avons parlé de vous, naturellement. Je vous croyais très amis. Oh, Vous l'auriez su, Hamon. Mon vieil ami baisse les yeux, flatté dans sa jalousie amicale. C'est un très gentil garçon, je vous assure. Qui ça? Maxime. J'ai connu sa mère, qui est veuve en... Voyons, ça doit faire 35. Et allez donc. Il me faut subir l'histoire des Dufferin Chautel, mère et fils. Maîtresse-femme, c'est elle qui dirige tout, serrée dans les Ardennes, hectares de forêt. Maxime, un peu paresseux, est le plus jeune et le plus gâté des fils, beaucoup plus intelligent qu'il ne le paraît, 33 ans et demi. Tiens, comme moi. Hamon se penche vers moi, par-dessus la petite table, avec une attention de miniaturiste. Vous avez 33 ans, René? Hélas. Ne le dites pas, on n'en saura rien. Oh, je sais bien qu'à la Seine, à la ville non plus. Hamon ne pousse pas plus loin le compliment et reprend l'histoire des Dufferin Chautel. Je suce des raisins, mécontente. Le grand serin s'insinue chez moi plus que je ne le lui ai permis. À cette heure-ci, nous devrions, comme de coutume, Hamon et moi, remuer de mauvais vieux souvenirs, éclos hebdomadairement à l'amer arôme de nos tasses fumantes. Pauvre Hamon, c'est pour moi qu'il déroge à sa funèbre et chère habitude. Je sais bien que ma solitude le fait trembler. S'il osait, il me dirait, en paternel entremetteur, « Voilà l'amant qu'il vous faut, ma chère. Bonne santé, ne joue pas, ne bois pas, fortune suffisante, vous me remercierez. » Plus que 4 jours, et je quitterai l'Empire Clichy. Chaque fois que je termine un stage un peu long au café-concert, j'éprouve, au dernier jour, l'impression bizarre d'une délivrance que je n'ai pas souhaitée. Heureuse d'être libre, de vivre chez moi le soir, je tarde pourtant à m'en réjouir, et le geste d'étirement « enfin » manque de spontanéité. Pourtant cette fois, je crois me réjouir sincèrement, et, assise dans la loge de Brague, j'énumère à mon camarade, qui s'en moque, les travaux urgents qui vont occuper mes vacances. Tu comprends? Je fais recouvrir à neuf tous les coussins du divan, et puis je le pousse, le divan, tout à fait dans le coin, et je fais mettre une lampe électrique au-dessus. Chouette, ça fera maison de passe, dit Brague gravement. Que tu es bête. Et puis enfin, j'ai un tas de choses à faire. Il y a si longtemps que je ne m'occupe pas de mon chez-moi. Bien sûr, acquiesce Brague, pince sans rire. Et pour qui, tout ça? Comment pour qui? Pour moi, tiens. Brague se détourne un instant du miroir, montre une figure où l'œil droit, seul frotté de bleu, semble porter le cerne d'un pochon formidable. Pour toi? Pour toi toute seule? Tu m'excuseras, mais je trouve ça plutôt gourde. Et puis, penses-tu que je vais laisser dormir l'emprise? Attends-toi bien à un de ces départs pour les établissements de premier ordre de la province et de l'étranger. D'ailleurs, Salomon, l'agent, m'a dit que je te fasse signe de passer chez lui. Oh, déjà? Brague, péremptoire, hausse les épaules. Oui, oui, je la connais. Oh, déjà. Et puis, si je te disais qu'il n'y a rien à faire, tu serais là comme un moustique. Quand part-on? Quand part-on? Vous êtes bien toutes les mêmes, les gonzesses. Il me semble, approuve une voix mélancolique derrière nous, celle de Bouty. Il a encore maigri depuis le mois dernier, Bouty, et il fatigue de plus en plus. Je le regarde à la dérobée pour ne pas le blesser. Mais que deviner sous ce masque rouge aux yeux bordés de blanc? Nous écoutons, muets, la voix de Jadin au-dessus de nous. Ah ah, petite muguette, ah ah, viens donc, s'il te plaît, que je te le mette, mon petit bouquet de muguet. Le compositeur de la valse du Muguet, homme de métier et d'expérience, a grivoisement et habilement césuré le dernier vers du refrain. « Alors, c'est dans 4 jours qu'on les met, les bouts de bois ?» interroge brusquement le petit comique en relevant la tête. « C'est dans 4 jours. Je me plaisais bien ici. On est si tranquille. »« Oh, si tranquille !» proteste Bouty, sceptique. « Il y a des endroits encore plus tranquilles. » Vous n'aurez pas de peine à trouver mieux. Je ne dis pas de mal du public, mais c'est un peu guap tout de même. Je sais bien, répond-il à mon geste d'indifférence, qu'on peut se tenir à sa place partout, mais quand même, tenez, écoutez-les, gueulez. Pensez-vous qu'une femme, j'entends une femme jeune, qui n'a pas d'idées, qui est portée à la rigolade et à la bombe, peut prendre là-dedans l'habitude de se tenir? J'entends une louftingue, une bombeuse comme Jadin, par exemple. Oh, petit bouti, en qui l'amour souffrant éveille une aristocratie soudaine, et le mépris de ce public qui vous fête. Vous cherchez et vous trouvez à Jadin une excuse, et vous inventez tout seul la théorie de l'influence des milieux à laquelle je ne crois pas. Les danseurs russes sont partis. Antoniev, le grand-duc, et ses chiens sont partis. Où ? On ne sait pas. Aucun de nous n'a eu la curiosité de s'en informer. D'autres numéros sont venus prendre leur place, engagés qui pour 7 jours, qui pour 4 jours, car la revue y mine. Je croise sur le plateau, dans le couloir, des figures nouvelles, avec qui j'échange un demi-sourire, un haussement de sourcils, en manière de bonjour familier et discret. De l'ancien programme, on n'a gardé que nous, et puis Jadin, qui créera, seigneur, des rôles dans la revue, et Bouti. Nous causons mélancoliquement, le soir, en vétérans de l'Empire Clichy, que le départ d'un jeune régiment aurait oublié. Où retrouverai-je ce que j'ai connu ici? À Paris? À Lyon? À Vienne? Ou à Berlin? Peut-être jamais. Peut-être nulle part. Le cabinet de Salomon, l'agent, nous rassemblera 5 minutes, avec des éclats de voix, des poignées de main cabotines, juste le temps de savoir que nous existons, de lancer le « qu'est-ce vous faites ?» indispensable, d'apprendre que ça boulotte ou que ça ne se dessine pas. Ça ne se dessine pas. C'est sous cette périphrase vague qu'il déguise mes compagnons errants. La panne, l'arrêt forcé, l'embarras d'argent, la misère. Il n'avoue jamais, gonflé, soutenu par cette vanité héroïque qui me les rend chers. Quelques-uns, poussés à bout, trouvent à remplir un petit rôle dans un vrai théâtre, et chose singulière, ne s'en vantent pas. Ils y attendent, patients, obscurs, le retour de la veine, l'engagement au music-hall, l'heure bénie qui les reverra sous la jupe à paillettes, sous le frac qui sent la benzine, affronter de nouveau le halo du projecteur dans leur répertoire. Non, ça ne se dessine pas, me diront quelques-uns, et ils ajouteront, je rapplique au ciné, le cinématographe, qui menaça de la ruine les humbles artistes du CAFCONS, les sauveurs présents. Il s'y plie à un labeur anonyme et sans gloire qu'ils n'aiment pas, qui dérange leurs habitudes, change leurs heures de repas, de flânerie et de travail. Des centaines en vivent aux époques de chômage, plusieurs s'y établissent. Mais si le ciné regorge de figurations et de vedettes, que faire? Ça ne se dessine pas, non, ça ne se dessine pas. On jette la phrase d'un air à la fois détaché et sérieux, sans insister, sans larmoyer, la main balançant le chapeau ou une paire de vieux gants. On plastronne, la taille serrée dans un pardessus juponné à l'avant-dernière mode, car l'essentiel, l'indispensable, ce n'est pas d'avoir un complet propre, c'est de posséder un pardessus un peu là, qui couvre tout, gilet élimé, veston avachi, pantalon jauni aux genoux. Un pardessus tape à l'œil, épatant, qui fait impression sur le directeur ou sur l'agent, qui permet enfin de lancer crânement en rentier le « ça ne se dessine pas ». Où serons-nous le mois qui vient? Le soir, Bouty rôde, désemparé, dans le couloir des loges, tout saute, jusqu'à ce que j'entr'ouvre ma porte pour l'inviter à s'asseoir un instant chez moi. Il insinue ses reins de chien maigre sur une frêle chaise dont la peinture blanche s'écaille et ramène ses pieds sous lui pour ne pas gêner mes mouvements. Brague vient nous rejoindre et s'accroupit en romanichel, le dernier au chaud, sur le tuyau du calot. Debout entre eux, j'achève de me vêtir et ma jupe rouge brodée de dessins jaunes les évente au passage. Nous n'avons pas envie de parler, mais nous bavardons, luttant contre un sourd besoin de nous taire, de nous serrer les uns contre les autres et de nous attendrir. C'est Brague qui conserve le mieux son activité curieuse et lucide, son appétit commercial de l'avenir. L'avenir, pour moi, ici ou là, mon goût tardif, acquis un peu artificiel, des déplacements et du voyage, fait bon ménage avec un fatalisme foncier et paisible de petite bourgeoise. Bohème, désormais, oui, et que les tournées ont mené de ville en ville, mais bohème ordonnée, attentive à recoudre elle-même ses nippes bien brossées. Bohème qui porte presque toujours sur elle sa mince fortune, mais dans le petit sac en peau de daim, les sous sont d'un côté, l'argent blanc de l'autre, l'or caché précieusement dans une pochette à secret. Vagabonde, soit, mais qui se résigne à tourner en rond, sur place, comme ceci, mes compagnons, mes frères. Le départ m'attriste et m'enivre, c'est vrai, et quelque chose de moi se suspend à tout ce que je traverse, pays nouveau, ciel pur ou nuageux, mer sous la pluie couleur de perles grises, s'y accroche si passionnément qu'il me semble laisser derrière moi mille petits fantômes à ma ressemblance, roulés dans le flot, bercés sur la feuille, dispersés dans le nuage. Mais un dernier petit fantôme, le plus pareil de tous à moi-même, ne demeure-t-il pas assis au coin de ma cheminée, rêveur et sage, penché sur un livre qu'il oublie de lire?